après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Mon invité avait des billets de saison depuis 1992 au Canadien de Montréal. Cette année, Martin Massé, qui est un résident en banlieue de Montréal, a décidé de rompre son mariage avec le Canadien de Montréal. Il a maintenant une paire de billets pour les Pats de la Nouvelle-Angleterre, le chanceux. On en parle avec Martin Massé. Salut Martin. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Martin, d'abord, avant de parler de tes billets de saison des Pats, le mot étant dit chanceux, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Tu avais des billets de saison jusqu'en 1992, donc tu as connu quand même la Coupe Stanley de 1993. Tu as connu par la suite, moi je trouve ça vire en rond depuis 25 ans à Montréal. Et cette année, tu as décidé de mettre fin à tes billets de saison. Pourquoi? En fait, c'était un long processus. Oui, c'est sûr qu'en 93, comme vous dites, j'étais là, j'ai manqué seulement deux matchs dans toutes les séries que ma blonde a été ces deux matchs-là. Par contre, c'est ça. Après, on a eu des années assez ardues au début des années 2000-2001. Ça a été assez tough. J'ai jamais quitté le navire. Le Canadien, c'est un club encore que j'ai dans le cœur. Par contre, c'est plus au côté administratif qui nous prenait vraiment un petit peu, selon moi, c'est vraiment ma version à moi, là, un petit peu comme acquis. Je pense qu'il y avait jusqu'à samedi, là, ils ont mis leur bien en vente samedi, puis ça n'a pas été un franc succès comme à l'habitude. Je pense que jusqu'à samedi, il y avait encore dans leur tête, eux autres, là, que c'était un de perdu, deux de retrouvé. Puis probablement que là, ça sont à côté dans le top. Là. Moi, pourquoi j'ai laissé, en fait, 2015, histoire courte, ils m'ont augmenté de 20% mes billets. Sont montés de 4 000 à 5 000. Donc, j'ai fait comme, ça a fait un bon tout dans le budget. Mmh. Par la suite, en 2016, j'avais déjà renouvelé mes tickets quand ils ont échangé P.K. Subban. Okay. Si j'aurais pas payé, c'est sûr que j'aurais pas renouvelé, là. OK. Puis par la suite, est-ce que cet été, le fait que le Canadien a pas bougé, puis qu'on veut pas le dire ouvertement qu'on est en reconstruction, moi, on l'est, là, regarde, qui arrête de nous prendre pour des imbéciles, là. Ils sont en reconstruction, puis c'est bien correct de même, puis chaque équipe passe par un processus de reconstruction. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait en sorte que non, c'est le coup qui a été le coup fatal pour le Canadien? Non, en fait, ils sont peut-être pas encore en reconstruction. Je pense qu'ils sont plus en mode déconstruction. C'est un petit... en fait, c'est différent. Ils ont pas fini de démolir. Fait qu'avant de finir de démolir, il faut se reconstruire par la suite. Ils ont pas fini la job. Puis non, moi, écoute, c'est comme je dis, j'étais là en 2001. Écoute, on gagnait pas. Notre meilleur joueur, je pense, c'est Martin Rosinski. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça me donne quand même une idée que j'étais en arrière d'eux autres. Moi, c'est plus le fait qu'ils nous prenaient pour acquis. Augmentation, comme je disais tantôt, augmentation, échange sous bande, descendait depuis 25 ans, tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs qui étaient soit un petit peu bombe, un petit peu out de la belle chemise, cravate, peigneur sur le côté, ont tous été échangés. En partant de Chris Chelios, en passant par Roy, en passant par Subban, un des derniers. Écoute, on peut pas gagner un championnat avec juste des buveurs de lait. C'est impossible. Faites le tour de ceux qui ont gagné à la coupe. Oui, c'est sûr. C'est ça. Est-ce qu'on vous a appelé? Parce que, ben, écoute, là, c'est un client, ça fait 26 ans que vous êtes, vous étiez avec des billets de saison. Est-ce qu'on a pris le temps de vous appeler? En fait, non. Ils m'ont demandé la raison du pourquoi que je quittais. Et j'ai écrit ce que j'ai envoyé à TVA Sport, ma lettre que j'avais écrit en courriel. Et je n'ai eu aucun retour de leur part. Est-ce que vous n'attendez? Écoute, est-ce que ça aurait changé de quoi dans ma vie? Je pense que non. Ma décision était assez assez prise à ce temps-là. Par contre, je pense que quand tu as un client, tu essaies au moins de savoir où de prendre de ses nouvelles pour voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux dans le futur. C'est un gars, moi, qui fait quand même pas mal de stades. Je me promène pas mal un petit peu partout. Puis, c'est le Canadien, oui, c'est une super organisation. Par contre, ils ont plusieurs lacunes là, du côté entertainment. Ben, ça, c'est clair. Est-ce que si Martin Massé a des billets pour les Pats, a pas de billets pour les Pats, c'est des billets de saison, est-ce que Martin Massé renouvelle ses billets de saison canadiens? Parce que là, Martin Massé doit pas être riche, c'est un ou l'autre, là. Non, j'avais pas renouvelé. D'ailleurs, j'ai eu les deux billets pendant les 7 dernières années. Là, j'avais les billets des Pats, les billets du Canadien. Ah, OK. Je suis loin d'être riche. Par contre, je suis un malade de sport. Il y en a qui ont des chars à 100 000 $, mais le mien, il en coûte pas mal moins. Okay. Que, c'est une question de budget. Tout le monde a un 100 $ dans la vie, on va le dépenser tout différemment. Moi, je mets ça dans les sports. OK, OK. Fait que j'ai un bon budget pour les sports. Puis, c'est plus une question d'éthique. Si j'aurais pas pensé qu'il riait de moi, j'aurais probablement continué. OK. Qu'est-ce que ça prendrait pour le Canadien? Qu'est-ce que le Canadien devrait faire pour que Martin Massé renouvelle ses billets de saison? Premièrement, un petit peu plus d'ouverture. C'est tout le temps caché. C'est juste une blessure. Moi, je suis un fan aussi de football. Là. Quand un gars se blesse au genou, c'est un sport de contact, le football, si je ne me trompe pas. Ouais. Quand un joueur est blessé au genou, c'est marqué « knee injury ». Ouais, mais ça, c'est une politique de la Ligue nationale. C'est une politique de la Ligue nationale. Ouais. C'est pas juste le Canadien de Montréal. Là. C'est toute la Ligue nationale. Il devrait le changer. Ça rentre avec le hockey. Il devrait peut-être changer ça un petit peu, là. Blesser dans le bas du corps, dans l'aine, en haut du corps. À un moment donné, là, faut quand même pas prendre les gens pour des stupides. Regardez juste le Weber, là. Mm. Ça a pris 6 mois avant qu'il trouve qu'il avait une blessure. Come on. OK. C'est bien long. Il aurait pu l'opérer en mars. Oui, c'est sûr. Il aurait peut-être été là. Il aurait peut-être été là en septembre. Au lieu d'en descendre. Ensuite? C'est surtout sur ce côté-là, moi, que j'ai décroché. C'est surtout sur... Ils nous ont pris pour acquis. OK. Le parking à 35 $, le verre de bière en fût à 12 $ et les billets en carton qu'on vous a chargés, 150 $, ça n'a pas irrité Martin Demers? Martin Massé, excuse-moi. Ça m'a irrité, les bières. Sauf que j'ai jamais parlé de la bière, le parking. Ça, peu importe les stadiums qu'on fait, on le paye, puis je suis très à l'aise avec ça. Ça, j'ai aucun problème. Au Red Sox, ça me charge 60 $ pour parquer ton char. Ouais. Fait que c'est pas un problème pour moi, là. Le parking, la bière, on est libre d'en boire 12, d'en boire une, d'en boire zéro. Okay. Moi, ça change absolument rien pour moi. C'est surtout le fait de, oui, le 20%, 25% d'augmentation d'un coup, l'échange de sous-ban, ensuite, là, tu me charges 300 $ pour mes gants en carton, puis après ça, c'est ça. C'est toujours la même histoire. Quand on va au Centre Bell, on peut prédire depuis 25 ans, ça va être quoi, on sait juste pas à quelle hauteur le flambeau va sortir. C'est à peu près la même affaire à toutes les années. À un moment donné, il faut aller de l'avant. OK. L'aspect francophone, c'est-tu quelque chose qui vous tente un peu, tu sais, au cours des dernières années? Moi, ça me tente, en tant que partisan du Canadien, là, qu'on semble bouder la Légion majeure du Québec. On a bien beau dire qu'on n'est plus en 1980, le sentiment d'appartenance est encore là. Si t'aurais 8-9 Québécois, parlez à des gens qui ont gagné la Coupe Stanley en 93, ils vont vous dire que ça l'a aidé. Est-ce que ça vous tente aussi? À talent égal, je suis bien d'accord. Mais demain matin, tu me donnes le choix entre Delorier et Ovechkin. Je n'hésite pas une maudite seconde. Je comprends. Et puis des joueurs d'élite francophone, il y en a combien? Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais le joueur de troisième, quatrième trio, le cinquième, sixième défenseur et le gardien de but, le deuxième gardien de but devrait être des francophones. Le joueur de troisième, quatrième trio, c'est tout interchangeable, ça. Exactement. Mais c'est rare qu'un joueur de troisième trio te fait gagner la coupe. Non. Sauf que je suis d'accord pour avoir plus de Québécois. Okay. Un talent égal, là, je prends un Québécois. Moi, un gars de quatrième rideau, là, trio, j'aime mieux avoir un Delorier qu'un Karpov, là. Ça, c'est à ça à 100%. Là. OK. Dites-moi donc, pensez-vous que c'est une... on le voit dans le sport, c'est une nouvelle tendance. Les assistants sont à la baisse partout dans le monde du sport. Les codes d'écoute sont à la baisse également. Ça c'est le streaming. Ça, on n'en parle pas, mais c'est beaucoup le streaming. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais le streaming rentre en ligne de compte. Le Canadien, il n'échappe pas, dans le fond, là. Non, le Canadien, c'est sûr qu'il n'échappe pas, comme toutes les équipes professionnelles... au monde. C'est sûr et certain que le streaming, avec tous les scores à ce temps, quand on est directement sur nos téléphones, il n'y a plus grand-chose qu'on peut. Écoute, je pars en vacances au Mexique, j'écoutais le Canadien direct sur ma tablette. Là. Ouais. C'est sûrement pas enregistré là, sur RDS ou TVA Sport. Là. Okay. Oui, on écoute le hockey sur le streaming ou sur tablette, c'est sûr et certain. OK. Martin Massé, très intéressé comme entrevue. C'est, évidemment, j'espère que le Canadien va commencer à y penser peut-être que s'il y a des Martin Massé, il y en a plus de Martin Massé, certainement que ça va faire bouger l'organisation, parce que je pense qu'à quelque part, il y a eu une arrogance de la part de l'organisation du Canadien. Je ne sais pas si c'est une arrogance ou être sur un piédestal. Une chose est sûre, c'est que d'après moi, avec leur vente qu'il y a eu samedi, qu'il y a eu le match d'ouverture de vendu seulement et deux autres parties, je pense qu'ils ont eu un clash, là, selon moi. Mais qui suis-je pour juger? Là, c'est un petit gars qui a des biais d'ingris, là. Fait que le poids, il est peut-être pas assez pesant. Ouais, effectivement. Martin Massé, qui est un détenteur d'un billet de saison depuis 25 ans.